Un lourd bachot, monté par deux hommes, tournait et retournait sur place. Un des bateliers ramait, l'autre enfonçait dans l'eau un grand bâton et semblait chercher quelque chose. Pauline cria : « Que faites-vous ? Qu'y a-t-il ? » Une voix inconnue répondit : « C'est un homme qui vient de se noyer !» Les deux femmes, serrées l'une contre l'autre, à garde, suivaient les évolutions de la barque. La musique de la grenouillère folâtrait toujours au loin, semblait accompagner en cadence les mouvements des sombres pêcheurs. Et la rivière, qui cachait maintenant un cadavre, tournoyait, illuminait. Les recherches se prolongeaient. L'attente horrible faisait grelotter Madeleine. Enfin, après une demi-heure au moins, un des hommes annonça : « Je le tiens !» Il fit remonter sa longue gaffe doucement, tout doucement. Puis, quelque chose de gros apparut à la surface de l'eau. L'autre marinier quitta ses rames et tous deux, unissant leurs forces, allant sur la masse inerte, la firent culbuter dans leur bateau. Ensuite, ils gagnèrent la terre en cherchant une place éclairée et basse. Au moment où ils abordaient, les femmes arrivaient aussi. Dès qu'elle le vit, Madeleine recula d'horreur. Sous la lumière de la lune, il semblait vert déjà, avec sa bouche, ses yeux, son nez, ses habits pleins de vase. Ses doigts, fermés et raidis, étaient affreux. Une espèce d'enduit noirâtre et liquide couvrait tout son corps. La figure paraissait enflée, et de ses cheveux collés par le limon, une eau sale coulait sans cesse. Les deux hommes l'examinèrent. « Tu le connais ?» dit l'un. L'autre, le passeur de croisière, hésitait. « Oui, il me semble bien que j'ai vu cette telle-là. Mais tu sais, comme ça, on ne sait qu'on ne reconnaît pas très bien. » Puis soudain, « Mais c'est Monsieur Paul !»« Qui ça, Monsieur Paul ?» demanda son camarade. Le premier reprit. « Mais Monsieur Paul Baron, le fils du sénateur, ce petit qui était si amoureux !» L'autre ajouta philosophiquement. « Eh bien, il a fini de rigoler maintenant. C'est dommage tout de même quand on est riche. » Madeleine sanglotait, tombait par terre. Pauline s'approcha du corps et demanda. « Est-ce qu'il est bien mort ?»« Tout à fait. » Les hommes haussèrent les épaules. « Oh, après ce temps-là, pour sûr !» Puis l'un d'eux interrogea. « C'est chez Crillon qu'il logeait ?»« Oui, reprit l'autre. Faut le reconduire. Il y aura de la braise. » Ils remontèrent dans leur bateau et repartirent, s'éloigna lentement, à cause du courant rapide. Et longtemps encore, après qu'on ne les vit plus, de la place où les femmes étaient restées, on entendit tomber dans l'eau les coups réguliers des avirons. Alors, Pauline prit dans ses bras la pauvre Madeleine et pleurait. La câlina, l'embrassa longtemps, la consola. « Que veux-tu ? Ce n'est point ta faute, n'est-ce pas ? On ne peut pourtant pas empêcher les hommes de faire des bêtises. Il l'a voulu, tant pis pour lui, après tout. » Puis la relevant. « Allons, ma chérie, viens t'en coucher à la maison. Tu ne peux pas rentrer chez Grillon ce soir. » Elle l'embrassa de nouveau. « Va, nous te guérirons, » dit-elle. Madeleine se releva, et pleurant toujours, mais, avec des sanglots affaiblis, la tête sur l'épaule de Pauline, comme réfugiée, dans une tendresse plus intime et plus sûre, plus familière et plus confiante, elle partit, à tout petit pas.